بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله. Donc ayez les écrans poursuit la lecture de la lettre de Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh qu'il a écrit alors qu'il était à la prison d'Alexandrie. On n'avait pas dit dans quel volume elle se trouvait de Majmou' al-Fatawa la dernière fois. Elle se trouve dans le volume 28. Cette lettre-là, elle se trouve dans le volume 28. Donc on avait vu qu'il avait évoqué, rahmatullah alayh, le fait que ces jours qu'il passe en prison sont les plus beaux jours de sa vie, malgré qu'en apparence, il est privé de sa liberté, il est privé de voir ses frères en Allah subhanahu wa ta'ala, il est privé de se mélanger aux gens, de pouvoir aller où il veut, et malgré cela, il dit qu'il vit les meilleurs moments de sa vie. Et il avait expliqué que c'était dû au fait du bienfait du tawhid, que la personne qui avait concrétisé le tawhid dans son cœur, en réalité, que tout ce qui arrivait, il savait que ça venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, le sage, et que toujours c'était interprété comme étant un bien. Et il dit ensuite, donc on va lire les parties les plus importantes de cette lettre parce qu'elle est longue. Donc après avoir évoqué le bienfait du tawhid, il dit maintenant, والخير كله في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي. Il dit et le bien, tout le bien est dans le fait de suivre le prophète Mohammed alayhi salat wa salam, l'illettré. Tout le bien, il dit. Il ne dit pas une partie du bien, mais il dit bien que tout le bien se trouve dans le fait de suivre le prophète Mohammed alayhi salat wa salam. Il n'y a pas de doute à ce sujet, car le prophète alayhi salat wa salam a été envoyé par Allah Jalla fi'ula. Et tout ce qu'il a apporté comme parole, comme acte, tout ce qu'il a légiféré, sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, c'est légiféré par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'obéir au prophète, alayhi salatu wa sallam, c'est une obéissance à Allah, azza wa jalla. Et le fait de désobéir au prophète, alayhi salatu wa sallam, c'est une désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le bien, tout le bien se trouve dans le fait de suivre le prophète Muhammad, alayhi salatu wa sallam. Phrase courte et simple, mais dont ont besoin les musulmans aujourd'hui, notamment ici en France. On pense que suivre le prophète, alayhi salatu wa salam, ça va être une cause de diminution de notre subsistance, ça va être une cause de régression, ça va être une cause de non-élévation sociale, etc. Tout ça, c'est des erreurs, c'est des choses graves. En réalité, le fait de suivre le prophète, alayhi salatu wa salam, c'est une élévation, c'est un honneur dans ce bas monde, avant d'en être un dans l'autre monde. Et tout ce qu'a apporté le prophète, alayhi salatu wa sallam, sans exception est cause de bonheur dans ce bas monde et l'autre. Tout ce qu'il a amené. Et l'enjeu, justement, et l'épreuve à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala voit si tu aimes réellement le prophète Muhammad, alayhi salatu wa sallam, si réellement ta shahada, selon laquelle Muhammad, Rasulullah, est le messager d'Allah, est réel, si jamais cette shahada est réelle, Allah va le voir à travers les épreuves. Et l'épreuve, c'est quoi? C'est lorsque le suivi du prophète, alayhi salatu wa sallam, va à l'encontre de l'ambiance qui t'entoure. Mais tant que le fait de suivre le prophète Muhammad, alayhi salatu wa sallam, ne va pas à l'encontre du reconnu comme tel, du bien reconnu comme tel, ne va pas à l'encontre de ce que parfois tes parents aimeraient de toi, ne va pas à l'encontre de parfois ce que ta femme voudrait de toi, ou de ce que l'État voudrait de toi, ou de ce que la coutume du pays un véhicule, tant que tu ne vas pas à l'encontre de ce qui t'entoure, en suivant le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, il n'y a pas épreuve, réellement. Mais l'épreuve, elle se trouve où? C'est quand tu vas à l'encontre de tout ce que nous avons cité auparavant et plus. Et les sahaba, radiyallahu anhum, ont été testés dans leur shahada, selon laquelle Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par cela. Lorsqu'ils ont embrassé la religion d'Allah, et lorsqu'ils ont suivi le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, certains sont allés à l'encontre des aspirations de leur mère, des espérances de leur mère, comme c'était le cas de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, lorsque sa mère lui dit « Je ne mangerai pas et je ne boirai plus jusqu'à ce que tu m'écroies à Muhammad alayhi salatu wa sallam. » Et lui, il a été constant sur sa religion, et sa mère ne mangeait plus, ne buvait plus, jusqu'à ce que, comme le dit le rapporteur, les gens apportaient un bâton qu'ils mettaient dans la mâchoire de la mère de Sa'd ibn Abi Waqqas pour pouvoir écarter cette mâchoire et faire pénétrer la nourriture et la boisson. Et lorsqu'il a vu la persistance de sa mère, il a dit, « Ya Omer, si tu avais 100 âmes, l'aucun est le cas, مئة نفس وخرجت نفس النفس et que ces 100 âmes sortaient les unes après les autres ma kafartu bi Muhammad je ne m'y croirai pas en Muhammad alayhi salatu wa salam. Puis Allah Azza wa Jal a fait descendre son verset dans lequel il dit wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma et s'il te combatte pour que tu associes à moi ce dont tu n'as pas science ne leur obéis pas. Ne leur obéis pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite wa sahibhuma fid dunya ma'rufa et tiens-leur bonne compagnie. Et tiens-leur bonne compagnie. Donc lorsque l'on va se cramponner à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, certes nous serons éprouvés. Et Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh a été éprouvé par les fatawas qu'il émettait rahmatullah par rapport à la visite de la tombe du prophète alayhi salatu wa salam. Il allait à l'encontre des soufis, des ash'ari de son époque. Il allait à l'encontre des savants du palais, les savants qui émettent des fatwas pour les gouverneurs, pour l'intérêt des gouverneurs et non pas pour l'intérêt de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et de par ces fatwas qu'il émettait dans la aqida ou dans l'ibadat, eh ben, il était éprouvé, rahmatullah alayhi. Comme a été éprouvé le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam et tout comme ont été éprouvés les sahaba radiallahu anhum. Donc il faut être conscient que le bien, tout le bien se trouve dans la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Notion qu'ici elle est dans notre cœur ancrée de manière profonde, lorsque nous serons éprouvés par notre suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, nous résisterons, nous persisterons et nous serons constants bi'iznillahi azza wa jalla. Car l'épreuve est une implication du suivi du prophète alayhi salatu wa salam. Il est utopique et déplacé de penser que l'on va se cramponner à la sunna, on va se cramponner à la sunna et que l'on va vivre une vie tout à fait en accord avec les valeurs qui nous entourent et qui sont des valeurs qui vont à l'encontre de celles du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Il dit ensuite rahmatullah alayhi, il dit donc wal khayru kulluhu fi mutaba'ati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout le bien se trouve dans le fait de suivre le prophète alayhi salatu wa sallam. Al ummi l'illettré alladhi, donc celui qui, et ensuite il apporte donc un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala où Allah dit ya'muruhum bil ma'ruf, celui qui leur ordonne le bien وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ et qui interdit le blâmable. Ça, c'est une qualité du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la première qualité qui a été apportée par Allah Azza wa Jal dans ce verset, le verset 157 de Surat Al-A'raf, lorsqu'Allah Azza wa Jal a décrit le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Parmi ses qualités principales, c'est qu'il ordonne le bien et qu'il interdit le mal, sallallahu alayhi wassalam. Et celui qui ordonne le bien et interdit le mal, certes, il va à l'encontre des passions des gens. Il va à l'encontre des passions des gens. Car la personne qui fait ce mal-là, soit elle est ignorante, soit elle est ignorante, et elle recherche Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque tu vas l'informer que ce qu'elle faisait ou que ce qu'elle disait était un mal, elle va te remercier. Elle va te remercier car tu l'as remis sur le chemin menant à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'as remis sur la sunna. Mais si jamais elle sait que c'est un mal et qu'elle a pris donc ce mal-là comme passion et comme mode de vie, souvent lorsque tu vas interdire ce mal-là, lorsque tu vas le condamner, eh ben tu vas être éprouvé par cette personne qui va refuser ton conseil et qui parfois ne va pas s'arrêter au fait de refuser ton conseil, mais parfois va te réfuter, va t'accuser, va t'insulter, va essayer de te discréditer par tous les moyens pour pouvoir préserver ce confort qu'elle a, du moins qu'elle pense avoir dans la pratique de ce péché-là. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam ordonnait le bien et interdisait le mal. Et nous-mêmes aussi, nous devons ordonner le bien et interdire le mal. Et d'ailleurs, cette communauté-là, elle prend ce rôle du prophète alayhi salatu wa sallam dans le fait qu'elle est suscitée aux gens et qu'elle ordonne le bien et qu'elle interdit le mal. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté sortie aux gens, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit la ta'murunna bil ma'ruf, certes vous ordonnerez le bien, wa la tanhauna 'anil munkar, et vous interdirez le mal, aw la yushikanna Allah an yab'ath 'alaykum 'iqaban minhu, ou bien sinon Allah ne va pas tarder à envoyer sur vous un châtiment de sa part, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, puis vous l'invoquerez ensuite pour qu'il enlève ce châtiment là et Allah ne vous exaucera pas. Lorsqu'on n'ordonne pas le bien et on interdit le mal, Allah subhanahu wa ta'ala descend ensuite la catastrophe sur celui qui faisait le fesed, celui qui faisait le mal, celui qui faisait le munkar et celui aussi qui a gardé le silence. Une fois le prophète alayhi salatu wa salam est rentré chez sa femme Zaynab radiyallahu anha bintu Jahsh. Et il était paniqué. Et il a dit « Waylun lil arab, malheur aux arabes, les charrin qad iqtarab, d'un mal qui s'est rapproché. Futiha al-yawma fi radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi. » Aujourd'hui, dans le mur, donc qui est dans le mur de Gog et Magog, un trou a été fait de cette longueur-là, de cet espace-là. Et il a halqa bayna al-ibham wallati taliha. Et il a fait un cercle entre son pouce et son index sallallahu alayhi wa sallam. Zaynab lui a posé la question, elle a dit anahliku wa fina as-salihun? Est-ce que l'on sera détruit alors que parmi nous il y a des pieux? Alors que il y a parmi nous des pieux? Qala na'am idha kathura al-khabath. Il a dit oui, lorsque le mal sera généralisé. Lorsque le mal est généralisé, le fait qu'il y ait des pieux n'empêche pas que les gens soient détruits. Mais as-salihun, mais si c'est al-muslihun, les correcteurs, ceux qui corrigent, as-salih, le pieux, il est pieux en lui-même, mais pas obligatoirement, il ne cherche pas obligatoirement à imposer sa piété dans l'environnement qui l'entoure. Al-muslih, c'est quelqu'un qui est pieux et qui en plus, amène la correction autour de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il ne détruit pas les peuples, qu'il ne détruit pas les villages, les villes, les cités, wa ahluha muslihun, alors que ses habitants sont correcteurs. Mais dans le hadith, anahliku afina salihun, est-ce que l'on sera détruit alors que parmi nous il y a des pieux, des gens qui adorent Allah, des gens qui lient les liens de la parenté, des gens qui font attention à ce qu'ils mangent, qui ne mangent que du halal, qui baissent le regard devant le haram, etc. Mais qui ne cherchent pas à propager ce bien-là. Donc, na'am. Le châtiment, lorsqu'il descend, il prend même ces personnes-là. Donc, al-islah, le fait de chercher à corriger l'environnement qui nous entoure, fait partie donc du rôle de cette communauté et du rôle du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il dit wa aktharun nas la ya'rifuna haqa'iqa ma ja'a bih. Et la plupart des gens ne connaissent pas la réalité de ce qu'a apporté le prophète alayhi salatu wa salam. Wa innama 'indahum qistun min dhalik. Mais ils ont une partie de cela. La plupart des gens ne connaissent pas la réalité de ce qu'a amené le prophète alayhi salatu wa salam. Et ça c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, notamment dans les musulmans de France. La plupart, on ne sait pas réellement ce qu'a apporté le prophète alayhi salatu wa sallam. On voit même des gens dans leur prêche aller à l'encontre de la da'wah du prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam est venu avec tel objectif et des gens au nom de l'islam vont prêcher un objectif qui est autre que celui du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc connaître les réalités, ce qu'on appelle al-haqa'iq, connaître les réalités donc des choses qu'a apporté le prophète alayhi salatu wa sallam, ça c'est un objectif que chacun doit essayer d'atteindre. Connaître l'expression al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, connaître l'expression ordonner le bien, interdire le blâmable, ça c'est l'expression, tout le monde la connaît. Mais comment le prophète alayhi salatu wa sallam ordonnait le bien? Comment il interdisait le blâmable? Qu'est-ce que interdire le bien? Qu'est-ce que ordonner le bien et interdire le blâmable? Comment le prophète alayhi salatu wa sallam le faisait? Comment le faisait? Le faisait-il en essayant d'être en accord avec l'environnement qui l'entoure? Essayait-il toujours d'interdire le blâmable en donnant au fait de ne pas blesser la personne qui écoute, en faisant prévaloir ça, c'est-à-dire que la personne ne soit pas blessée, sur le fait que la vérité émerge? Comme les gens aujourd'hui, on les entend parler de l'homosexualité. La plupart des douettes aujourd'hui qu'on voit sur YouTube ou autres, notamment ceux de la tendance Ikhwan Muslimin, qu'Allah les guide, comment est-ce qu'ils abordent l'homosexualité? Comment est-ce qu'ils abordent? Étape numéro 1, je suis musulman. Je suis musulman. En tant que musulman, il est de mon droit, de ma philosophie, de ma manière de voir les choses, de condamner l'homosexualité. Étape numéro 2, la loi française, de par la liberté d'expression qu'elle donne à chaque citoyen, me donne le droit de ne pas être d'accord avec l'homosexualité. Étape numéro 3, seul Allah juge les gens. Et l'homosexuel, musulman, on n'a pas le droit de le juger. Seul Allah le jugera. Seul Allah connaît la piété. Seul Allah connaît les gens du paradis. Donc nous n'avons pas le droit de condamner ces gens-là. Nous condamnons l'homosexualité, mais nous ne condamnons pas l'homosexuel. Et ils abordent ce point-là avec du laxisme. Et ils ouvrent la porte en disant indirectement « Bienvenue aux homosexuels. Car ils n'ont pas compris comment on ordonne le bien, on interdit le mal. Ils n'ont pas compris la sévérité d'Allah Azzajal dans son livre face au peuple de Lot. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés? Il les a élevés dans le ciel, il les a retournés, puis il a fait suivre ça d'une pluie de pierres. Et nous ensuite, on est devant une caméra en train d'édulcorer la notion d'homosexualité. Non, cette notion-là doit être prise avec énergie, avec himma, avec azima, avec une forte volonté, et non pas avec du laxisme. Car le munkar ensuite se propage dans la umma. Lorsqu'on ne fait pas le nehi, lorsqu'on n'interdit pas, on ne condamne pas le blâmable comme il se doit selon les règles du Qur'an et de la sunna. Car ces gens-là ne connaissent pas donc la réalité donc du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et aussi la réalité de l'homosexualité. S'ils connaissaient la réalité des deux choses, ils auraient donc prêché comme il se doit à la condamnation de cette chose-là. Il dit « Wa aktharu an-nas la ya'rifuna haqa'iqa ma ja'a bihi » Et la plupart ne connaissent pas la réalité de ce qu'a apporté le prophète alayhi salatu wa sallam. La plupart ne savent pas la réalité de l'alliance et du désaveu. La plupart ne savent pas la réalité du rôle de l'homme et de la femme au sein de l'islam. La plupart ne savent pas le lien qui est entre le gouverneur et le gouverné. La plupart ne savent pas, etc. Et les gens ensuite prêchent et appellent à ces choses-là d'une manière faussée. Ce qui ensuite a un impact extrêmement fort sur la compréhension des musulmans. Notamment dans une communauté comme celle qui est la communauté musulmane de France, où l'ignorance est sans doute l'une des qualités majeures des personnes la composant. Donc il faut faire très attention à connaître les réalités de cette religion. Comme nous disions tout à l'heure, aussi certains appellent à ce qu'on appelle al-wasatiyya. Al-wasatiyya, à être médian. Tout le monde dit qu'il est son médian. Les roulettes du jarh, les exagérateurs donc de la critique, ils disent qu'ils sont médians. Ils disent qu'ils sont médians. Les prêcheurs du vivre ensemble disent qu'ils sont aussi médians. Les prêcheurs de l'homosexualité, comme Ludovic Zahed Mohamed, il dit qu'aussi il est médian. Il dit que lui, il n'est pas du côté de ceux qui condamnent complètement l'homosexualité, mais qu'il condamne la forme de relations sexuelles qu'ont eu le peuple de Lot, qui se faisait de manière sauvage et qui n'était pas fondée sur l'amour. Mais quant à lui, la relation à laquelle il appelle, la relation d'homme à homme, c'est une relation donc, qui est fondée sur l'amour, donc il est médian. Il n'est pas dans l'extrême du peuple de Lot qui faisait ça de manière sauvage, et il n'est pas non plus dans l'autre extrême qui rejette de manière complète l'homosexualité. Donc le curseur de la wasatiyya, qui est prétendu par tous les groupes aujourd'hui, c'est le Qur'an et la Sunna qui le mettent en place. Et ce n'est pas les gens par leur ignorance qui disent que la voie médiane se trouve ici ou ailleurs. Il dit donc que la plupart des gens ne connaissent pas les réalités de ce qu'apportait le prophète alayhi salatu wa sallam. Il dit inna ma indahum qistun min dhalik, mais ils ont une part de cela. Il dit ensuite wa qala ta'ala, et Allah azza wa jalla dit walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, et ceux qui font des efforts en nous les guiderons à nos chemins. Il dit wal jihad yujibu hidayat as-sabil ilay, il dit, et le jihad dans le sens large ici, il parle du jihad dans le sens large, il dit il implique obligatoirement donc la guider vers le chemin. Le chemin menant à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah dit, ceux qui font les efforts en nous, nous les guiderons à nos chemins. Et le jihad ici, il est utilisé dans des versets mécois, et il n'y avait pas encore de combat à la Mecque, comme vous le savez. Comme par exemple le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Wa jahidhum bihi jihadun kabira » et combat-les avec le Coran, un grand combat. Donc fais des efforts contre eux avec le Coran, par la da'wah, en proclamant la vérité. Donc le fait de faire des efforts en Allah subhanahu wa ta'ala implique donc la guider vers les chemins menant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc je continue les paroles d'Ibn Taymiyyah, ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minin. Ô toi le prophète, Allah te suffit et il suffit à ceux qui te suivent parmi les croyants. Il dit ensuite donc Ibn Taymiyyah, فَكُلُّ مَنِ اتَّبَعَ الرَّسُولَ فَإِنَّ اللَّهَ حَسْبُهُ. Toute personne qui suit le prophète, alayhi salatu wa salam, Allah est son hasb. Qu'est-ce que al-hasb? Kafi, c'est celui qui lui suffit. Hadi, c'est celui qui le guide. Wana siru, et c'est celui qui l'assiste, celui qui lui donne la victoire. Quand tu suis le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, tu as cette promesse d'Allah azzawajal, qu'il te suffit, qu'il te guide, et qu'aussi il t'assiste et te donne la victoire. Chose que les musulmans doivent comprendre. En suivant le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa législation, Allah subhanahu wa ta'ala assiste les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire aux musulmans. Et ce n'est pas en suivant justement les coutumes des mécréants, en suivant les lois des mécréants, en suivant ce qui est reconnu comme bien chez les mécréants. Dans la manière de manger, dans la manière de s'habiller, dans la manière de parler, dans la manière d'être, dans la manière de fonder sa famille. Beaucoup aujourd'hui de musulmans n'arrivent pas à aller à l'encontre de ce qui est véhiculé comme image de la bonne famille, du bon citoyen, etc. chez les mécréants. L'image de la famille, par exemple. L'image aujourd'hui véhiculée par les mécréants de la famille va à l'encontre de ce que nous exhorte le prophète, de ce à quoi nous exhorte le prophète. Le prophète dit Tazawwaju al-walud al-wadud. Mariez-vous avec la femme procréatrice et douce. Fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. Car je me vanterai de votre nombre auprès d'Allah yawm al-qiyamah. Quelle est l'image aujourd'hui véhiculée par les mécréants? Lorsqu'il y a une pub pour une voiture, lorsqu'il y a une pub pour autre chose, quelle est l'image de la famille qui est véhéculée? Un homme, une femme, deux enfants, un nom, parce que un, ça fait aussi, on n'arrive pas à en avoir plus. Mais deux, c'est-à-dire qu'au niveau de la procréation, il n'y a pas de problème, souvent un chien avec, et voilà, ça c'est l'image. Et ça, à force d'être véhiculé, ça a touché beaucoup de musulmans à la foi faible, complexés de leur religion, et devant aujourd'hui la domination prétendue de ces cultures-là, ils n'arrivent pas à aller à l'encontre de cette image qui a été véhiculée. Donc ils n'arrivent pas à avoir beaucoup d'enfants. Pas dans le sens où ils n'arrivent pas à faire les causes pour avoir Allah leur donne, mais eux s'abstiennent de dépasser 2-3 enfants. Combien on entend de gens qui font la prière qui sont à la mosquée? Dit, je vais avoir un enfant ou deux. Et il apporte des arguments complètement faux qui, même si on vient les analyser, sont des arguments qui sont fondés sur une aqida complètement pervertie. Il dit, pour bien les éduquer, parce qu'aujourd'hui c'est dur d'éduquer les enfants, un ou deux, comme ça je les éduque bien. Comment ça, un ou deux, pour comme ça je les éduque bien? Ce facteur du petit nombre pour bien éduquer, d'où tu le sors? Du Coran, de la Sunna? D'où est-ce qu'il vient? Donc faire beaucoup d'enfants, c'est une ibadah. C'est une ibadah et c'est renforcer les rangs des musulmans. Faire beaucoup d'enfants, c'est renforcer les rangs des musulmans. Et les éduquer dans le tawhid, dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Car une communauté, elle se nourrit des enfants, justement, qui sont faits par ses membres. Donc le couple musulman doit faire, essayer de faire beaucoup d'enfants. Avec, justement, l'objectif de pouvoir nourrir les rangs musulmans. Et d'augmenter les membres de cette communauté bénie qui est la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ça va t'amener à aller à l'encontre parfois de l'environnement qui t'entoure. C'est quelque chose que nous on a vécu quand on était petit. Je me souviens, surtout que moi j'étais dans une école, il n'y avait que des mécréants quasiment, pas une école en quartier populaire. Et bien quand on venait mettre le nombre d'enfants, combien est-ce que tu as de frères et sœurs? Parfois, il n'y avait même plus de place dans les cases. On mettait 3 cases, 4 cases, et on rajoutait en bas, nous. On rajoutait en bas. On rajoutait. Non. On rajoutait. Alors que eux, ils étaient un ou deux. Quand tu es tout seul entouré de 20 élèves, ou la famille la plus nombreuse après toi, c'est 2 enfants, 3 enfants. Toi, tu dis 7. Donc ça demande après que les parents t'inculquent une force intérieure. Que toi tu es musulman, que nous on est une famille nombreuse, et que c'est ça le khayr. Et que ces gens-là, alhamdoulilah, ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Il y aura moins de mécréants sur terre, inshallah. Nous on est beaucoup, nous. Il y a une khayr, une baraka, quand tu as beaucoup d'enfants. Quand tu vas faire tes commissions, quand tu vas sortir, tu vas aller dans un parc, tu vas aller je ne sais où, et tu croises parfois des mécréants comme ça, avec 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants. Parfois ils voient que t'es jeune, tu as beaucoup d'enfants. Se posent des questions. Certains sont même jaloux dans leur intérieur. D'accord. Certains musulmans, de leur faible foi, ils éprouvent de la honte. Ils éprouvent de la honte. Ils disent, je vais arriver avec 6 enfants, 7 enfants, au supermarché, comme ça, ou dans la rue. Hachouma, c'est la honte. Non, i'tez bidinik, sois fier de ton dîn. Sois fier de ton dîn, subhanallah. Allah t'a honoré. T'as honoré avec une grande famille, Allah Akbar, dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc là, il donne des fondements, le shir. Lorsqu'il dit, tout le bien se trouve dans le suivi du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le premier fondement. Qui fait que tu vas, donc chercher à trouver ce bien-là. Chercher à suivre le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième fondement, il a dit, la plupart des gens ne connaissent pas les réalités de ce qu'a apporté le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que tu vois les gens s'éloigner de la sunna, ne pas chercher à l'appliquer. Et aussi, il dit ensuite, le fait de faire des efforts implique qu'Allah va te guider à ses chemins. Ses chemins, le chemin du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, être sur ce chemin-là, ça demande des efforts, obligatoirement. Pourquoi notamment? Parce que c'est le chemin de l'étrangeté, c'est le chemin qui est justement étrange par rapport à ce que véhiculent les sociétés, aujourd'hui les communautés diverses. Donc quand tu vas entreprendre ce chemin-là, essayer de le pratiquer en termes de aqidah, de croyance, en termes de ibadat, en termes d'adoration, etc., obligatoirement tu vas te trouver en situation de minorité et parfois en situation de conflit avec les gens qui t'entourent. Parfois avec ta famille, parfois au travail. Tu vas te retrouver, il y a un repas, ils vont mettre de l'alcool sur la table. Mais maintenant, c'est à toi de jauger ta foi. Est-ce que tu arrives à dire non, que tu ne peux pas participer donc à cette assise-là parce qu'il y a de l'alcool sur la table, hein? Ou parfois même alors l'esquiver, si tu ne veux pas argumenter par cet argument-là. Mais combien de musulmans aujourd'hui, de par la faiblesse de leur foi et du peu de fierté qu'ils éprouvent à travers leur appartenance à la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam, n'ose pas donc s'absenter de ce type d'assises et participe à ces assises ou qui sont un péché envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et obligatoirement, donc, tu vas être toujours en situation de conflit. Et on se rappelle les versets Elif Lam Mim, est-ce que les gens pensent que l'on va les laisser dire, nous avons cru sans qu'ils soient éprouvés, alors que nous avons éprouvé les gens qui les ont précédés, afin qu'Allah voit les véridiques et qu'Allah voit les menteurs. Allah veut voir si tu es véridique donc dans ta shahada. L'autre fondement qu'il a donné, le Cheikh Ibn Taymiyyah, c'est que toute personne qui suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui suffit, le protège, le guide. Et ces deux fondements-là, ils vont permettre aux prêcheurs, s'il les connaît et les comprend bien, de bien prêcher. D'abord, le premier fondement, lorsqu'il dit que l'effort implique que tu vas être guidé sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque tu vas appeler la Ummah, tu ne vas pas mentir comme mentent aujourd'hui certains prêcheurs en disant que t'inquiète pas, dans l'islam ça va être le confort, Allah va t'arranger toute ta vie, l'islam, lorsque tu y adhères, justement ça ne doit pas créer de déséquilibre avec l'environnement dans lequel tu vis, avec les gens que tu fréquentes, comme certains le disent aujourd'hui, et disent que ce n'est pas normal que depuis que tu fréquentes l'islam, ça ne va pas. Non. Ce n'est pas normal si ça ne va pas intérieurement. Si ça ne va pas intérieurement, c'est sûr que tu t'es trompé. Tu pratiques mal la ilaha illallah et tu pratiques mal Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais intérieurement que ça aille et que extérieurement il y ait des épreuves et des problèmes, ça c'est tout à fait normal. C'est même une implication directe. Donc les gens qui mentent à la masse et qui leur disent que en entrant dans l'islam et qu'en embrassant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va aller mondainement, tu es en train de leur mentir. Tu es en train de leur mentir et ça c'est une forte cause d'apostasie ultérieure. Car la personne ne va pas voir se concrétiser la promesse que tu lui avais donnée, qui est le confort mondain. Non, nous on dit ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait des bonnes actions en étant croyant, فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَةً طَيِّبَةً. Nous allons lui donner une belle vie. Qu'est-ce que la belle vie? C'est quoi la belle vie? أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. N'est-ce pas qu'avec le rappel d'Allah, les cœurs s'apaisent? Et la belle vie, c'est celle qu'a vécu le prophète alayhi salatu wa salam. Et le prophète alayhi salatu wa salam, à la Mecque, il a été dans Shi'ab Abi Talib. Il a été dans l'embargo qu'il a subi avec son oncle Abu Talib. Et les gens étaient dans la soif, étaient dans la faim, étaient dans la maladie. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit la ilaha illallah. Lorsque tu vas embrasser le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas peut-être vivre ce qu'ont vécu les gens du fossé. Les gens du fossé. Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Et ils ne leur ont reproché seulement d'avoir cru en Allah al-Aziz al-Hamid. Qu'est-ce que disent les croyants aussi dans le Coran? وَمَا تَنْقِمُوا مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ. Ça, ce sont les sorciers, qu'est-ce qu'ils ont dit à Pharaon lorsqu'ils sont entrés en islam et qu'il leur a dit « Je vais vous mettre sur des troncs de palmiers, je vais vous crucifier ». Ils ont dit « Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna ». Et tu nous fais le reproche seulement d'avoir cru aux versets d'Allah lorsqu'ils nous sont venus. Donc la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'embrasser l'islam implique que tu ne le veuilles ou pas, c'est ton devenir, des épreuves en Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit si tu es réellement dans ton cœur al-ilah, le ma'boud, l'adorer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien c'est autre que lui. Donc il ne faut pas mentir aux gens en disant que l'islam va te préserver ton confort mondain. Donc il dit ici l'effort. Et l'effort, ça va être justement en fournissant des efforts et en résistant à ce que tu as comme épreuve. Donc ceci va être une cause de guider. Et deuxième fondement, il dit toute personne qui suit le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah est son protecteur, et celui qui le guide et celui qui lui suffit. Ça aussi, il faut le dire à la masse quand on les prêche. Ô musulmans, ne vous inquiétez pas. Qui est avec vous? Allah. La tahzan inna Allah ma'ana. Le prophète alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il dit à Abu Bakr? Qu'est-ce qu'il dit à Abu Bakr radiallahu anhu lorsque Quraysh donc les suivent et qu'ils sont donc dans la grotte? Il dit la tahzan, ne sois pas attristé, inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Et dans le hadith, Abu Bakr radiallahu anhu, il dit que nous étions dans la grotte et il dit wa al-mushrikina fawqa ru'usina. Il dit, les associateurs étaient au-dessus de nous. Si l'un d'entre eux regardait sous ses pieds, il nous voyait. Il nous verrait. Qu'est-ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu wasalam? Que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux dont le troisième est Allah. Allah est avec toi. Et ça, c'est la ma'iyya khassa. Ça, c'est la compagnie spécifique qui implique l'assistance, l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a la ma'iyya amma, la compagnie générale. Allah est avec le mécréant, comme il est avec le croyant, dans le sens de sa rububiyya, de sa seigneurie. Il les voit, il les entend, il sait ce qu'ils font, il sait ce qu'ils pensent. Ça, c'est envers les êtres humains, qu'ils soient croyants, mécréants, vers les animaux, les végétaux, avec toute sa création. Allah est avec eux dans le sens général. Ça, c'est la ma'iyya, donc amma. La compagnie générale. Mais la compagnie spécifique, elle est pour ses bien-aimés, pour ses alliés, pour les croyants. Donc ça aussi, il faut le dire à la masque, Allah est avec nous. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.